a des mots gravés dans la pierre. Un souvenir d'avant la lumière. Je marche dans Paris, mais je vois des plaines. Et ce chant étrange qui coule dans mes veines. J'ai porté l'armée, j'ai porté l'épée. Dans une autre vie que j'ai oubliée. Le métro s'efface, les cours disparaissent. Le passé revient comme une promesse. Le temps se casse, je change de face. Entends-tu l'écho du combat? Mon armée se lève derrière. Petite fleur de ville, mais je suis un volcan, je suis indocile. Regarde mes yeux, ils ont vu l'empire.